Chapitre 6e, les trois tâches. Ainsi la nuit s'acheva au milieu des vœux de bonheur et de délivrance que ces parfaits amants ne cessèrent de se prodiguer l'un à l'autre. Puis le jour passa, et le matin suivant, au moment où la cérémonie du mariage allait s'accomplir, le prince, qui ne perdait pas de vue son projet, prit sa belle-mère à part et lui exposa qu'il se faisait scrupule de vérifier avant tout si sa femme était bonne ménagère. J'ai justement, dit-il, formé le dessein de ne porter au jour de mes noces qu'une chemise très belle et très fine que je possède depuis longtemps. Je ne sais comment il se fait que trois taches de graisse ont taché cette chemise. Je voudrais que ces taches disparaissent, et j'ai fait serment de ne prendre pour épouse que celle qui serait capable d'y réussir. Si elle n'y parvient pas, force me sera de renoncer à lui donner ma main. La belle-mère crut que le prince plaisantait en voulant soumettre la princesse à une épreuve d'apparence si facile. Elle dit que cela ne serait rien pour une fille de sa qualité. Aussitôt, aidée par sa mère, la princesse au long nez s'empara de la chemise et commença de la laver aussi fortement qu'elle put. Mais plus elle la frottait, plus elle la brossait, plus les taches grandissaient. La belle-mère, qui voyait cela, commença par en éprouver de l'humeur. « Ah, ma fille, dit-elle, on voit bien que vous ne savez pas laver. Laissez-moi faire seule. » À ces mots, la sorcière s'empara de la précieuse chemise. Mais à peine l'eut-elle saisie que ce fut pire encore qu'avec la princesse. Les taches allaient de plus en plus en s'élargissant. Si bien qu'après quelques instants de cet exercice, la chemise apparut plus sale et plus noire que jamais elle l'avait été. La belle-mère, s'apercevant qu'elle ne réussissait pas mieux que sa fille à enlever les taches, fit appel à tous les autres trolls, ses parents, qui demeuraient dans le château. Il est à peine besoin de dire que ces trolls n'eurent pas plus de succès que la princesse et sa mère. Et d'abord, ils étaient si laids, leur nez si long, leur tête multiple si épouvantable, que la chemise, qui était enchantée elle aussi, ne pouvait supporter d'être lavée par eux. Le prince, qui assistait à tout, voyant la fin leur embarras, laissa éclater sa moquerie. « Tout cela, dit-il, ne vaut pas un fétu de paille. On voit bien que vous ne savez pas laver, ni les uns ni les autres, et cela est si vrai qu'il y a sur la plage, aux abords du château, une petite mendiante qui, je le parie, parviendra mieux que vous à laver cette chemise. « Allons, jeune fille, » ajouta-t-il en élevant la voix et appelant Herda qui n'attendait que ce signal. « Accours et tâche de me rendre cette chemise propre et nette, comme si elle était neuve. » La jeune fille feignit tout d'abord de ne savoir par quel bout commencer une tâche pour laquelle il semblait qu'elle ne fût pas faite. Cependant, à peine eut-elle plongé la chemise dans l'eau, et l'eut-elle frottée seulement un peu, que celle-ci devint d'une blancheur éblouissante. Le prince fut si enchanté de ce prodige qu'il ne put se contenir plus longtemps. « Bien, dit-il en se rapprochant d'Herda, tu es la femme qu'il me faut. Je te choisis pour épouse. » Il avait à peine prononcé ces mots que la vieille sorcière, toute gonflée de rage, entra dans une colère si violente que les veines de son corps se rompirent et qu'elle éclata. De dépit, la princesse vit grandir son nez, et ce nez devint si long et si embarrassant qu'il s'enroula comme un serpent autour du cou de la furieuse et qu'il l'étouffa. Pour les autres trolls, tous remués d'épouvante et de haine, après s'être débattus un moment dans une agonie à faire peur, ils subirent le même sort. Quant au prince et à la fille du pêcheur, ils résolurent de célébrer leur mariage en rendant la liberté à tous les captifs qui étaient dans le château. Après quoi, ayant partagé avec ces malheureux tout l'argent et tout l'or qui se trouvaient dans la demeure des trolls, ils résolurent de quitter une contrée où le prince avait souffert pendant tant d'années et d'où il ne lui avait été permis de s'échapper que sous la forme d'un ours. Puis, ayant dit adieu à leurs compagnons, ils partirent pour aller le plus loin possible du château situé à l'est du soleil et à l'ouest de la lune, vivre en un pays plus beau que la Scanie, plus clair que le Jutland, et au milieu duquel on voit, au travers d'une barrière de treillage, fleuri de chèvrefeuilles et devant une maison construite de bois de diverses couleurs, aller et venir en se jouant des garçons et des filles qui se trouvent être les frères et les sœurs d'Herda. Ainsi s'achève, à l'est du soleil et à l'ouest de la lune, par Peter Christen Asbjörnsson et Jörgen Moe.